bien sa moustache, car on était en avril. Il se dit, je suis à 2000 km au-dessus des vaches. Il riait comme un gamin, car il était plein de thunes, et s'en allait sur Neptune pour y élever des lapins. Dans son ballon volant et antigravitique, il balançait des pneumatiques pour gagner un peu d'élan. Son voyage prendrait du temps, 14 ans ou bien 26, alors il buvait du cassis et sifflait en attendant. Gare à toi l'espace, car voilà Mathias, tu l'aurais vu étudier les astres, à corps perdu sans éviter le désastre. Était écoulée et Mars était là, elle lui tendait les bras, mais ce n'était pas son arrêt. 16 ans encore passèrent, Saturne vint le saluer, il avait manqué Jupiter qui était de l'autre côté. Passant à côté d'Uranus, il avait cessé de compter, elle lui lança des prospectus, mais il n'était pas intéressé, non. Arrivant enfin sur Neptune, après s'être un peu égaré, il remercia sa bonne fortune avant fier de débarquer. Gare à toi l'espace, car voilà Mathias, tu l'aurais vu étudier les astres, à corps perdu sans éviter le désastre. Il voulait de suite s'installer, construire l'enclos des lapins, mais quand il chercha les lapins, il sut qu'il les avait oubliés. Oh non! Alors, il repartit pour la Terre à la recherche de ses lapins. C'était un aller pour rien dans le cosmos. Il était vert. Gare à toi, Mathias, car c'est ça l'espace. Il t'avait vu venir à trop de vent et tu l'écouteras rire jusque dans la Voie lactée. Et gare à toi l'espace, car voilà Mathias, tu l'aurais vu étudier les astres, à corps perdu sans éviter le désastre. Le désastre, le désastre.